Salut tout le monde, comment allez-vous? Très bonne nouvelle, on est de retour. Ouais. Mauvaise nouvelle. Bah on a raté notre avion en fait. Exact. What's up les gamers? Salut tout le monde, comment allez-vous? Très bonne nouvelle, on est de retour. Ouais. Mauvaise nouvelle. Bah on a raté notre avion en fait. Exact. On est là comme des deux cons dans un Starbucks. D'ailleurs, le titre de l'épisode, ça on sera rappelle. Deux cons dans un Starbucks. Deux cons dans un Starbucks. En fait, on voulait tourner La Bonne Franquette à Londres. Yes, parce qu'on est finalement à Londres. Parce que là, on l'a même pas exact. Dit, on est à Londres. On est à Londres. On est à Londres actuellement. On est à l'aéroport de Stansted. Et le fait est que comme on restait très peu de temps, on a un peu rushé les trucs et tout. On a bien visité comme il fallait, mais dans le rush. Yes. Et du coup, on s'est dit bon bah tant pis, on va pas faire d'épisode cette semaine. Ouais. Toujours est-il. Parce qu'on a eu 5 jours, c'était une petite escapade. Voilà, une petite escapade, ça fait plaisir. Tranquillement, ouais. Mais comme on a maintenant tout le temps qu'on veut, car vraiment. Attends, je raconte l'histoire. Ouais. Donc en fait, on a trouvé des billets super cheap. Genre aller-retour depuis Strasbourg, ça nous a coûté 20 euros. Aller-retour, hein. Exact. Par personne, bien évidemment. Donc 10 euros aller, 10 euros retour pour à Londres, bah, c'est donné en fait. Ça coûte moins cher que d'aller à Paris. Merci Voyage Pirate qui nous sponsorise. Non, c'est faux. Yes, ça, ils nous sponsorisent pas, mais ils devraient, hein. On leur a fait beaucoup de pubs. C'est vrai. Bref, et du coup, donc on est parti mercredi tranquillement. Ça s'est vraiment bien passé, c'était cool. Et en 1h50, on arrive à Stansted. Donc après, on a encore une petite heure histoire d'aller à Liverpool Street, Whitechapel Station. Exactement. Là où on logeait. D'ailleurs, pire Airbnb que j'ai fait. Genre terrible, ouais. Terrible. Le quartier était un peu mal famé, on va pas se mentir. Tu regardes beaucoup trop Batman. Bon bah, tu regardes beaucoup trop Batman. C'était Gotham City pour moi. Clairement, c'est abusé. Non, et... mais le quartier était pas ouf et un peu mal desservi. Oh, quoique, non, ça allait en vrai. Mais... Tu rigoles ou quoi, franchement? Non, ça va. Ah. Non. Et du coup, ça se passe très bien. En 1h50, ça s'est bien passé avec Ryanair. Exact. Ça s'est bien passé, donc on arrive, on a bien profité, mais on parlera de Londres plus tard. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on arrive, on se lève. Il était. Moi, j'ai mis les réveils à 5h. Non, 4h30. 4h30, pardon, ouais. 4h30. De toute façon, on s'est réveillé à 4h50, tranquillement. Ouais. Comme ça, ouais, moi, c'est quoi? Comme ça, j'ai pu faire. Tu t'es réveillé bien avant moi? Tu le sais très bien. Non, mais voilà, tranquillement, il a dormi et il a raison. Oui. Puisqu'on s'est levé extrêmement tôt, on a eu deux heures de sommeil. On a bien fait de préparer toutes les affaires à l'avance et tout le soir même, comme ça on avait besoin de penser à rien du tout, on avait exact. Juste à aller. On avait tout fait, on voilà. avait tout fait bien, on est parti bien en avance, on est arrivé ici largement en avance. Exact. Et je sais pas pourquoi, à 6h, à 7h, je me suis dit. Je mangerais bien, je boirais bien un petit café non, avec un truc. Non, franchement, en arrivant, il était 6h50, donc pile une heure avant le vol. Et du coup, on s'est dit, on a quand même le temps là. C'est incroyable. Comment on a le temps, c'est incroyable. Surtout qu'on avait déjà fait l'enregistrement, parce que bon, bref, on s'est dit, c'est bon, on est easy. Easy jet même. Ouais, exact. Et sauf que, quand il était 7h20, et qu'on était encore en train de manger notre petit-déj et qu'on a vu que les portes d'embarquement fermaient à 7h25, on s'est dit ça va être short. Ah là c'est... On s'est dit tentons le coup quand même. Donc oui. Là, sachant que le vol partait à 7h55. Exact. Donc on est dans une queue. En fait, moi dans ma tête, parce que bon, ça part un petit peu de moi, c'est un peu moi le grand fautif étant non, donné que arrête. J'avais... Si, j'ai proposé de manger quand même. Non, j'aurais proposé aussi, t'inquiète pas. Hein. Ouais, mais on s'est posé, voilà, bref. Et du coup, on est dans cette queue, cette formidable queue, qui est le titre de ma future biographie pornographique, bien sûr. Ouais. Cette formidable queue. Quentin, virgule, cette formidable queue, bref. Ouais. Et non, du coup, on fait cette queue pour aller passer tout ce qui est security check. Exactement. Et en fait, le temps passe. Il y a énormément de queues, un petit serpentin comme ça, énormément de queues qui. Le temps passe. 7h30, 7h35, 7h40, 7h40, 7h58. L'avion est parti. Là, on se dit. Ah. Là, c'est le moment où tu vois l'avion partir. Tu dis si on se dépêche, on peut y aller. On peut, si l'avoir. On peut, on peut là, l'avoir. On saute un peu haut, on a fait un peu de NBA et tout. On peut encore l'avoir. Mais... Non, mais bon, bref. Du coup, le seum. Et en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, l'aéroport de Stanston, qui est une bien plus grosse ville que Ensheim, est aussi petit que l'aéroport d'Ensheim, qui est minuscule. Hein. Oui, c'est vrai. On s'est dit ça un peu bêtement, parce qu'on arrive à Ensheim, à l'aéroport d'Ensheim, on peut, disons. Tu arrives 30 minutes, 40 minutes avant, t'as ton vol. Avant, t'as ton vol, c'est exactement ça. Et là, on était là une heure avant. Il faut vraiment venir. Franchement, il faut venir une heure et demie avant, franchement, à mon avis. Surtout si t'as un train qui vient d'arriver, du coup, qu'il y a beaucoup de monde dans la queue du security check. Et en fait, dans l'aéroport, il y avait personne, mais dans la queue pour l'embarquement, il y avait 1 milliard de personnes. En plus, franchement, on n'a pas eu de chance. On a eu plein de gens qui avaient plein de trucs dans leur bagage à checker et tout. Donc, bref. Nos bagages se sont fait checker aussi. Bien sûr. Alors qu'à l'aller, pas du tout. Bref, du coup, ensuite, ça a été la galère parce qu'il a fallu trouver un billet. Du coup, on a regardé pour aller dans d'autres villes en France parce que le seul vol pour revenir à Ensheim, il était mercredi. Ce qui veut dire 2 nuits d'hôtel. Non, 3, plus ce soir. Ouais. 3 nuits d'hôtel. Enfin, c'est la pire chose en fait. La personne nous a annoncé ça, la personne de Ryanair, j'ai vu son visage se décomposer sur le bureau. J'ai eu comme un, ça là. J'avoue, j'ai été debout, j'ai eu un vertige. Pourtant, j'ai pas le vertige, mais quand elle a dit It's not before Wednesday, j'ai fait Wow! Enfin bref, j'ai perdu une vie dans les Wednesday vidéos, in this afternoon. what do you mean? Et du coup, ça a été le rush pour trouver un billet. En plus, là, c'est la SNCF qui. Enfin, merde, entre guillemets, c'est pas à cause d'elle. Il y a une grève en fait, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de billets, c'est mal desservi, c'est le bordel, rien n'est assuré, on peut même pas réserver. Ouais. Moi, j'ai voulu réserver des billets, ils m'ont dit on peut pas réserver en ligne. Bref, c'est-à-dire t'es obligé d'aller dans un guichet et tout. Bref. Du coup, c'était la merde. Et finalement, on arrive à trouver un truc pour Francfort. Donc, à 1h30 de chez nous, à peu près. 1h30, 2h en voiture, tranquillement, voilà. Ouais. Et bon, voilà, 19h30. Donc là, il est 10h. Donc, on a largement le temps de faire un podcast. Et on a vu ce vol qui était à 250€ environ sur Internet. Billet. Hein. Ouais. Donc, par personne, ça fait 500€. Et on s'est dit, bon, on va pas commander en ligne, on va aller voir vite fait au guichet de la compagnie de vol si c'était possible de commander d'avoir les billets physiques. C'est toujours mieux d'avoir les billets physiques si on peut les avoir. Et en fait, elle nous a dit que comme on avait loupé notre vol et que c'était une destination pas trop loin de celle qu'on avait à la base, de là où on devait aller, on avait les billets beaucoup moins chers et donc on les a eu à 120, 130. Moitié prix, ouais. On a économisé 130 balles. Ça fait par personne. Ça fait plaisir. On est hyper Gucci. Moi, on est Gucci notre malchance, on a de la chance. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression d'avoir économisé de l'argent. Mais c'est ça ton problème. J'ai gagné de l'argent. Vincent, il a un truc. Par exemple, il y a un truc qui coûte 100€. Il va y avoir une promotion, ça coûte que 70. Il fait. J'ai gagné 30€. J'ai gagné. Alors que pas j'ai du gagné tout, 30 perdu euros. 70. Ça veut dire que en ayant gagné ces 30€, je peux acheter autre chose à 30€. Mais bon, on le rappelle, tu peux te le permettre car tu es extrêmement Gucci. Je suis Gucci de ouf. Tu es Gucci. Incroyable. Hashtag riche. Hashtag la richesse est présente. On se retrouve dans un Starbucks où tout le monde nous regarde comme des singes en cage. Exactement. Je me sens mal. Non, j'ai vu des gens nous balancer des cacahuètes. Après, je les ai mangés parce que j'ai faim en fait. En vrai, en fait, comme je check le timer. Comme je suis 16 minutes. Ok, nice. Comme je suis extrêmement fatigué, je peux me concentrer que sur une seule chose à la fois. Et du coup, je me concentre que sur le podcast et pas du tout sur le regard des gens comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que je suis Vla la grande salope. C'est vrai que tu es Vla la grande salope. Mais qui est ton autobiographie par contre. L'ami de Vla la grande salope. Ouais, bon, après, t'es pas obligé d'être aussi condescendant. Attends, mais c'est toi qui viens de dire ça. C'est vrai. Je ne fais que te citer. C'est vrai. Toi en tant que grand auteur. Mais non, en vrai, ne vous souciez pas du regard des gens. Là, moi, je fais ça et je suis très heureux. Après, là, il fait miskin le philosophe et tout, mais le fait d'être dans un pays étranger où personne ne comprend ça aide. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a tout à fait raison sur le principe. Si vous arrivez à vous foutre du regard des gens, faites-le. Parce que c'est vraiment trop bien de faire des choses. Parce qu'en fait, on se met beaucoup de barrières justement à cause des gens qui nous regardent. Alors qu'en vrai... C'est un problème pour moi d'ailleurs. Bien sûr, bah pour beaucoup de gens. Hein. Ouais. Même encore pour moi sur certains trucs. J'avoue que j'ai beaucoup travaillé pour réussir à pas mal me débarrasser de cette pression sociale. Mais effectivement, on a souvent tendance à dire « Ah, je vais quand même pas faire ça, qu'est-ce qu'il va penser ?» Alors que cette personne, genre 5 minutes après, elle t'a oublié, et plus jamais elle t'enverra, tu vois. Donc c'est les trucs auxquels il faut essayer de faire attention, parce qu'on n'a qu'une vie, c'est dommage de se foutre des barrières pour rien. Exact. Bref, mais je te propose de parler... De parler de Londres. De Londres. De London. The London. Exactement. Et moi, j'ai envie de parler de nourriture, car c'est, il faut le dire, 102% de notre séjour. Si vous avez vu nos stories... à chacun d'entre nous, vous attends, aurez. Attends, je t'arrête tout de suite. Mais t'es un influenceur. Je suis un influenceur Instagram. Directement un influenceur. Si vous avez vu nos stories Instagram, vous avez pu remarquer que vraiment, quand on visite un pays, on fait que manger. Souvent, on fait que manger. En fait, on le visite culinairement parlant. Bien sûr. C'est une autre culture. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence entre visiter les monuments et manger, quoi. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on vient d'un pays, la France. Ce beau pays gastronomique qui a vraiment une richesse culinaire qui est très profonde et très variée. Il y a beaucoup de plats. Enfin, chaque ville, chaque région a sa spécialité et tout. Alors que la plupart du temps, c'est un pays à sa spécialité. Et là, dans chaque canton, chez chaque personne, il y a une spécialité. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, j'ai pu goûter pour la première fois les fish and chips car j'étais déjà venu à Londres il y a 7 ans. Fish and chips. Et je n'avais pas pu en manger. Le résultat est que c'est nul en fait. C'est juste du poisson pané en fait avec des frites. C'est vraiment surcoté de ouf. Un repas de cantine en fait finalement. Bah non, c'est un repas de pauvre qui a été érigé. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est des. Oh, les Londoniens, c'est des gros pauvres. Venant d'un riche, tu vas t'attirer des ennuis, je pense. C'est vrai. Moi, je peux me le permettre, tu vois. Étant prolétaire, je peux me le permettre. Tu es prolétaire. Mais en tant que riche fils de politicien. Fais gaffe. Et toi, en plus, t'es professionnel dans le fait d'être prolétaire. T'es un pro-prolétaire. Yes. Fort. Professionnel de blague, en tout cas, toi. Hein, ouais, ouais. Je me suis levé. Ouais, Je me suis levé à 5h. Et moi, je me suis levé avant toi. J'ai moins dormi et pourtant, je suis là. On est là, frérot. On est là, frérot. Quelle est ton excuse ? On représente la France. On représente un maximum. La France, des gens qui se couchent tard, qui se lèvent tôt. On est ensemble, les ouvriers. Exact. Vraiment, ça devient très politisé. Ce oui. Non, il y a bien sûr aucune dimension. Non, parlons politique. De Londres. On a beaucoup mangé, on a fait Parlons de ça justement. Food. On était en train de parler de ça. Oui. France Inter ou quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Non, parce que bon, les gilets jaunes. Les gilets jaunes. D'ailleurs, il y en a plein. Je comprends pas. En plus, ils sont tous ralliés à la police ici. C'est très bizarre. Les gilets jaunes et la police ont fusionné comme dans Dragon Ball et ça donne ça. C'est ça ? Exact. Mais non, on a beaucoup mangé de street food. Yeah. On était dans un marché géant, très connu ici. Camden Market. Ah non, la Bullroof Market. Yes, exact. Et très connu ici, où en fait, il y a des plats très spéciaux. Enfin, que tu trouves presque nulle part ailleurs, En fait, dans des pays étrangers, sauf qu'ils sont ici, ils sont tous réunis là. Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ne sont jamais à Londres, c'est une ville qui est extrêmement cosmopolite et multiculturelle. En fait, il y a énormément de communautés différentes, plein de quartiers, plein d'inspirations qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est très cool parce que même visuellement ça donne un art qui est très complexe et très varié. Donc ça, c'est très cool, très très sympa. Culturellement, c'est vachement intéressant à faire. Et du coup culinairement aussi. Qu'est-ce qu'on a mangé à Borough Market? On a mangé un burger avec des loaded fries. Des loaded fries. Donc en gros, c'est un gars qui a vu des frites. Il s'est dit pas assez gras. Comment rendre ça plus gras? Je vais mettre du fromage, des lardons, la sauce. Et encore un peu de verdure quand même. Un peu de verdure parce que. Mais garder la main légère. Bien sûr, évidemment. Et ouais, non, c'était vraiment trop bon. Extrêmement gras, mais ça fait plaisir. Exactement. Après ça, on a tout de suite mangé une pizza. À deux. Taille moyenne. À deux, donc ça. Très et sympa. Après, un bon petit beignet fourré. Ouais. Ça fait plaisir. Et pour ma part, un petit cappuccino, car j'aime le café. Il adore ça. J'adore. Si vous vendez du café, vendez-le lui. C'est un excellent argument commercial. Si vous avez un objet, vendez-le en fait. Qu'est-ce qui vous retient ? Non, mais. Plus sérieusement, ouais, c'était très cool. On a fait aussi beaucoup d'autres choses. On a mangé dans un restaurant italien. Parce qu'un jour, quelqu'un à Londres nous a dit... C'était qui déjà ? La personne qui a dit si tu veux bien manger en Angleterre, faut pas que t'ailles dans un restaurant anglais. J'avais vu ça dans une vidéo de Paul Taylor. Je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr, c'est celui What the Fuck France. Exactement. Bien sûr. Et il disait ne mangez pas dans les restos anglais. Allez manger dans les restos d'autres pays en Angleterre. Exact. Et c'était très cool d'ailleurs. Ouais, on a mangé dans un resto italien qui faisait des pizzas napolitaines de manière excellente. Ah oui, là tu parles du Farina là. Ouais. Okay. Ah, toi, tu es allé parler du English breakfast? Ouais, le English breakfast. Le English breakfast. Yeah. Avec lequel on a pris des American pancakes. Des pancakes américains, un petit déjeuner anglais. Ouais, c'était très bon. Pour toi, un peu. Un voyage peu dans trop. L'assiette, j'ai envie de dire. Un voyage dans l'assiette. Pour un toi, trop. Un peu trop. À la fin, il n'en pouvait plus. Enfin, c'était. Comment dire? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre en fait? Alors bah écoute, rien de ce que tu es en train de dire, donc je t'écoute. Waouh, il est tellement fatigué. Oui. Oh oui, oui. Je sais que vous me plaignez et vous avez bien raison. C'est vrai. Non, effectivement, j'ai trouvé. Ah, c'est peut-être ça dont tu parles. Mais j'ai trouvé le goût à la fin too much en fait. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure, donc tu... Non, t'as dit c'est trop en mode j'ai trop mangé, je t'en pouvais plus. Non, oui, mais tu pouvais plus du goût, en fait, c'est ça que je voulais dire, mais okay, je voulais que tu rebondisses dessus. Ok, fais des phrases correctes. Après, je me suis levé à 5h du matin. Oh là là, mais t'es tellement la grande salope, incroyable. Non, mais ouais, effectivement, c'est très salé, en fait, et pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, moi, je trouve que c'est vraiment too much à la fin, tu vois, t'as des œufs, t'as des bennies... des flageolets, des saucisses. Ouais, t'as des saucisses. Du pain trempé dans du beurre avec un œuf dessus. T'as de la tomate farcie. Enfin, à la fin, franchement, waouh! c'est vraiment cool de découvrir ça parce que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude en France. Franchement, c'est très bon. Hein. Mais tous les jours, c'est terrible. À mon avis, c'est une tradition, mais ils en mangent pas tous les jours. Ouais, par contre, les pancakes américains avec étaient très bons. Il y avait des fruits. Il y avait des pancakes du sirop. Et du sirop d'érable, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? On a mangé aussi, tiens-toi bien. Ouais. Je sais plus en fait. En fait, on a tellement mangé. Ah, on peut parler du manger en IMAX. C'est-à-dire qu'on est allé voir le Joker. On est allé voir de nouveau le Joker. Ouais, le Joker. En IMAX, puisqu'ils ont un écran IMAX à Londres. Il n'y en a pas beaucoup en France, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux à Paris, un truc du genre. Ouais. Et perso, moi, j'avais jamais eu la chance d'y aller. Donc, dit pourquoi pas claquer 50 euros pour deux places pour voir un film qu'on a déjà vu en plus. Ce qui, bon, résumé comme ça, c'est peut-être. Nul et stupide. Peut-être que vous nous trouvez stupides. Ok, on a raté notre avis, on est stupide. Ok, on va voir des séances de cinéma à 50 euros à deux et on okay, est stupide. Ok, on n'arrive pas à faire des phrases complètes, on est stupide. Alors là, c'était un clash directement, je me sens. Et non, franchement, c'était vraiment cool de voir le Joker avec cette nouvelle dimension. Mais par contre, j'ai compris immédiatement pourquoi les pays anglophones et notamment les Américains étaient obèses. C'est qu'on a pris pour l'occasion vraiment la séance de ciné la plus chère que j'ai jamais payée. Genre déjà 25 euros place, la place. Et ensuite, genre, on a pris un truc à 18 euros, un seau de popcorn pour deux immense. Oh là là. Et on a pris... devait faire cette taille, ouais, à peu près. Comme ça, ouais, ouais. Vraiment. Et avec ça, on avait le droit à un paquet de bonbons, là. Sour candy, donc des bonbons acidulés. Plus des boissons énormes. Ouais, un litre, en fait. Un gobelet de un litre. Ouais, c'était ça, un litre. Ouais, hallucinant. Genre, et je me dis, si c'est comme ça aux US partout... Ben, ça m'étonne pas qu'ils soient fat, en fait, les Américains. Bah, ouais, mais ça, c'est terrible, parce qu'en fait, comme tout est extrêmement accessible, en fait, il y a un biais marketing qui est de mettre, par exemple, un sandwich à 4,35 $, et tu vas donc mettre... Donc plus genre, te cher. Voilà, c'est ça, et tu vas mettre deux sandwichs pour 4,50 $. Donc, pour très peu cher, t'as deux fois plus. Du coup, forcément, tu prends ça. Bah oui. Et malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup en Amérique et c'est ce qui donne des problèmes d'obésité extrêmement graves. Exactement. Grave. Mais l'IMAX... Vraiment stylé. Trop stylé. Vraiment un cool. Écran. Il nous a dit, le mec, c'était c'est le plus grand écran de Londres. De toute l'Angleterre. Ah oui, pardon. Ouais. Bah, ouais. De tous les UK, pardon. En même temps, Londres étant la capitale, ça m'étonnerait, par exemple, qu'il y ait... Qui soit à Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Bien sûr, exactement. Ce serait bizarre, je d'ailleurs. Je déteste le foot. Tu vas voir un truc de foot, tu te retrouves au ciné. Quoi, mais... Tu veux juste checker, s'il te plaît ? Oui, il reste environ 5 minutes. Nice. Et en gros, l'écran est énorme, la qualité est dingue, et le son... est si spatialisé, incroyable. Spatialisé, ça veut dire qu'en gros, il vient de différentes directions. Exactement. Et avec une vraie précision. Mais pas juste gauche ou droite, c'est vraiment devant, derrière, sur les côtés, dans les angles et tout, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Pour ceux qui ont des casques de gamer, hein, pour tous les gamers qui nous écoutent, il y a ça aussi dans les casques d'une certaine gamme. Style le Razer Kraken, le Kraken. Bref, et du coup c'était très cool. Maintenant on peut peut-être parler de culture. C'est vrai. Moi j'ai envie de parler de culture du tatouage, puisque je me suis fait un nouveau tatouage ici à Londres, une superbe toile d'araignée sur le coude droit. Et c'était vraiment très cool. Pour ceux qui veulent se faire un tatouage, bah, du coup je vais plug les tatoueurs chez qui j'ai été. C'est Cloak & Dagger Tattoo. Donc, je me souviens plus de la station. Mais en tout cas, attends. Oh, ils vont regarder, ils ont internet. Oui, exactement. Bah, si ils regardent cette vidéo, ils ont internet d'ailleurs. Bah, ouais, exact. Et non, c'était vraiment très cool, très sympa. En plus, ils ont plein de flash, donc des tatous prêts à être faits, qui sont magnifiques. Ils ont un style de couleur. Enfin, ils ont tout le temps la même direction artistique. C'est une sorte de vert un peu émeraude avec du jaune or et du rouge carmin un peu. C'est magnifique. Puis sinon, évidemment, ils font les tatouages que vous voulez. Et il y a une vraie, culture du tatouage aussi à Londres. On a vu énormément de gens tatoués partout, dans l'oreille, sur la tête. Sur les mains. Ouais, partout. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, on peut peut-être parler de ça aussi, vu qu'on parlait avant de pression sociale, mais qu'il y a beaucoup moins de jugement que, par exemple, en France. Ouais, ouais. En France, on se fait assez souvent dévisager, notamment dans les transports. Je t'avoue que je faisais pas forcément attention, moi. J'ai pas remarqué plus de différence que ça, parce que je fais pas vraiment attention que ce soit ici en France, quoi. Mais ouais. Toi, t'as remarqué une vraiment, vraie différence. Vraiment, ouais, souvent les gens en France, ils te regardent, ils vont peut-être te dévisager, tu vois, ils vont te regarder de haut en bas pour voir ce que tu portes et tout. Là, à Londres, ça arrive très, très, très rarement. Les gens passent juste, au pire, ils te regardent et puis ils continuent. Il n'y a pas vraiment de. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a moins de jugement et ça, c'est plutôt cool. Exact. Et d'ailleurs, je sais que je veux des tatous sur les mains, sur les doigts, et en France, c'est encore très mal vu, malheureusement. Après, bon, j'ai envie de dire, who cares, étant donné que je suis freelance. Et donc exactement. Je suis mon propre boss. Mais si un jour je dois trouver pour une raison ou un autre un taf de salarié, je sais que je viendrai bosser en Angleterre. Puisqu'ici c'est tout à fait admis, on a vu plein de gens dans des restos ou ailleurs qui avaient des tatous sur les mains par exemple. Donc voilà. Vraie culture du piercing aussi, il y a énormément de gens percés, septum, hélix, partout, scrotum et tout, enfin partout. Quoi Non mais voilà. Et c'est vraiment cool, il y a. Il y a pas mal de gens excentriques aussi. Ouais. Oh putain, on plus est. D'Aix-en-Provence. J'adore Aix-en-Provence. Il y a plus d'excentricité qu'en France, j'ai l'impression, au niveau des vêtements. Je suis pas d'accord avec toi, non, parce que si tu vas à Paris, il y a quand même pas mal de gens qui s'habillent très bien, etc. Ouais, je suis plutôt d'accord pour Strasbourg. Je trouve que Par contre, bien, pour moi, n'est pas égal à excentrique. Hein. Ok. Attention. Qu'est-ce que tu entends par là? Excentrique, ça peut être. Ouais, de. Oh, il y en a quand même pas mal à Paris, hein. Ouais. Après, ça dépend où tu vas aussi, c'est vrai. Mais par exemple, à Strasbourg, ça arrive très peu souvent qu'on voit des gens avec un style particulier. Quoi. Londres, c'est la capitale un peu du punk aussi. Donc, il y a vraiment cette culture punk. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui s'habillent dans ce style-là. Il y en a un peu plus. Après, je t'avoue, personnellement, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais je n'ai pas vu tellement de punk ou de rockers. Ouais, à part le quartier de Camden. The Camden Market, yeah. Ouais. Forcément, on a fait un tour dans un des endroits les plus... Malfamés du monde. Ouais, malfamés économiquement, puisque tu as 1 milliard de boutiques qui vendent la même chose. Et vu que t'es des touristes, ils te font « Oh my friend, machin, merde !» Et ils vont te vendre la pire merde. Quand tu vas voir leur stand où c'est des trucs objectivement qui sont nuls, yes. Ils viennent te voir quand immédiatement. Même. Ils savent que plus tu passes de temps, plus tu vas te rendre compte que c'est de la merde et que tu vas pas acheter, tu vois. Donc ils sont là en mode, oui, bien sûr, la bague. Ah bah là, vous l'avez. T'as touché, t'achètes. Acheter directement. Et non, c'est très cool. C'est très très cool. Autre chose, personnellement, je pensais avoir un assez bon accent anglais. Ouais. Mais il faut savoir qu'on a été à chaque fois triggered. Ils ont toujours su qu'on était français. Exact. Après, c'est peut-être parce que je disais Hello, I don't B2O. Know how to speak English because I'm French. Yeah, c'est peut-être ça. Je pense que ça les a mis sur. Ça les a mis sur le. J'allais dire, ça les a mis sur écoute. Non, en vrai, il a un très bon accent anglais, je trouve aussi, mais bon, plus côté américain. D'ailleurs, on va faire une petite coupure. Une petite pause américaine. Cheeseburger. Yes. Nous revoilà. On disait donc que voilà, il a un assez bon accent anglais, mais plus américanisé qu'anglais. Yes. Et mais je pense que c'est pareil qu'en France en fait. Genre si par exemple il y avait un bon, l'accent n'est pas aussi prononcé, mais si on a un Canadien qui arrive, on sait directement qu'il est Canadien. Ou si une personne étrangère vient en essayant de parler français, on aura du mal à le discerner. Ceci dit, oui. Roberto, par exemple, notre ami Rob, on lui fait une petite dédicace, lui a vraiment zéro accent, je trouve. Non, je ne suis pas d'accord. En parlant. Je ne suis pas d'accord. Tu trouves ? Ouais, vraiment. En fait, il y a des mots, je pense, qu'en tant que Français... on est obligé de dire d'une certaine façon dû à l'articulation, tu vois, et des choses qui nous trahissent. Parce que même en anglais, un anglais qui va parler français, il va avoir du mal à dire R, tu vois. Ce sera toujours un peu bonjour, tu vois. Bonjour. Ça va être un peu compliqué, tu vois. Même s'il fait tous les efforts du monde pour dire bonjour. Mais bon, Rob est vraiment une sphère au-dessus, on va pas se mentir. C'est vrai. Après, il rappe en anglais, donc j'ai envie de dire heureusement. Parce que t'imagines quelqu'un qui rappe en anglais. Non, là, mais je voulais dire que son accent français... Enfin, quand il parlait français, il avait aucun accent parce qu'il sa langue natale. Oui, c'est vrai, mais je suis pas d'accord encore. Ah, mais t'es jamais d'accord. Non, franchement, sur certains mots, it's okay. We don't see you. It's okay. It's sorry okay. if we bother you. Do you have do you need something? More room or no? Okay. Voilà, évidemment, on n'a pas envie de faire chier les gens. On s'est installé un petit peu à l'écart, mais voilà, les gens arrivent parce qu'il est midi quand même tout doucement. Il est quoi ? Il est... Attends, mais c'est bientôt l'heure de... T'as plus de batterie ? Non, attends. Non, c'est bon. tu sais, en fait, ça va être peut-être sur des R aussi, encore une fois. Il va dire... Je sais pas si t'as déjà eu des potes portugais, mais moi, tous les potes portugais que j'ai eu quand j'étais jeune, ils disaient toujours frère. Ah ouais ? C'est mon frère, des trucs comme ça. Ah ouais ? Après, ah, je sais pas. J'ai jamais capté. C'était peut-être un coin, mais bref, voilà. Toujours est-il qu'effectivement, on s'est toujours fait... On se faisait capter direct. On se faisait capter. Et en parlant de langue britannique, en parlant d'Angleterre, on a fait un petit peu de tourisme aussi. On a commencé par The London Bridge Experience, qui en gros raconte l'histoire de Londres depuis très longtemps. Depuis 2000 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Depuis la construction, enfin, en gros, du London Bridge. Ouais. Donc avec les Vikings, tout ça, jusqu'à l'Empire romain, machin. Et jusqu'à aujourd'hui, et ça raconte ça avec un petit supplément horrifique à la fin. Tu vas dans une sorte de labyrinthe où les gens... En fait, déjà, à la base, les gens qui racontent ça, ce sont des acteurs déguisés en personnalités... De ces périodes à chaque fois. De ces périodes, voilà. Donc exactement. Ça va parler de Jack l'Éventreur, ce genre de voilà, de personnalité. Et c'était vraiment pas mal du tout. Et le côté horrifique à la fin était... Moi, perso, j'aurais fait ça à 12 ans, je me serais chié dessus. Ouais, c'était pas mal. Mais là, toujours est-il que... Un petit peu trop gentil. Un peu trop gentil. Un peu trop gentil. Ça méritait d'être un peu brusque et tout, surtout qu'ils te mettent tout le temps « Attention, vraiment, si vous êtes cardiaque, ne faites exactement. Pas ça. » À mon avis, ça, c'était quand même un peu un trick de... Peut-être. Pour augmenter un peu le fait que t'aies peur. Peut-être. Moi, avant de voir ces avertissements, j'avais pas peur du tout, tu vois. C'est vrai. Et là, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, oh putain, quand même, c'est chaud. D'ailleurs, ah mince, je l'ai rangé, mais en fait, on a pour avoir tous les transports, on a fait on a fait un transport pass, quelque chose comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas une Oyster card, je sais plus ce que c'est, mais bref, en gros, c'est comme une carte Navigo, une carte Baggio pour ceux de Strasbourg. Et donc, en gros, tu rentres dans le métro comme tu veux. Ah, tu l'as ? Voilà, c'est ça. Superbe photo. Faire la photo ? D'ailleurs, incroyable, cette carte, on l'a faite en 5 minutes. Exact. La photo, on l'a faite dans un Boots, c'est-à-dire un magasin qui, à la base, est fait pour les cosmétiques. Et on l'a imprimé là-bas et ensuite, on a fait tout ça. Bref, ah oui, c'est Travel Card. Voilà, c'est écrit en haut à gauche. Et en fait, avec ça, on a des réductions dans certains endroits. Tu la montres et, par exemple, pour le London Bridge Experience, on a payé qu'une seule place. Exact, pour deux. Il y avait un autre truc de cocktail. J'ai failli tomber. Où on avait... On m'a sûrement vu faire. Ah là là. Je suis. Ah. Ah, je crois qu'ils nous cherchent. Vous, c'est... les deux gros cons qui n'ont pas pris leur... Vous avez le droit à un jet privé avec champagne. Oh. Et gogo danseuse. Bah, j'y vais. Vas-y. J'abandonne le podcast. T'en étais parti très vite. Non. Les affaires sont les affaires. Non, mais voilà. Et du coup, c'était vraiment cool. Et notamment, on a fait The James Bond Walking London Experience, quelque chose comme ça. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, on a visité Londres en passant sur des lieux de tournage de la saga James Bond. Des anecdotes de James Bond et tout. Notamment Daniel Craig. Et c'était la nouvelle saga avec Daniel Craig. Pas Daniel Craig lui-même, il était pas là. Malheureusement. Mais c'était vraiment cool. That's okay. We don't see you. We don't see you. That's okay. Sorry. Ouais, voilà. Bah, franchement, ça va. Je trouve qu'on prend pas de place. Hein. On a juste la caméra là-bas. Bah ouais. On est juste là, mais c'est nos places. Donc, ça va. Mais bon, évidemment, les gens se disent attends, mais ça, what's going ça on? Englobe tout quoi. Ouais, alors qu'en vrai, ils peuvent passer parce qu'on ne voit que nous. C'est vraiment très étroit. Bref. Et du coup, c'était vraiment cool. On a eu quelques snippets, quelques extraits du prochain James Bond. On sait par exemple qu'il va se passer. Enfin, il va y avoir des moments où ils seront au ministère de la Défense. Exact. Et puis voilà, on est passé sur des scènes de Skyfall. Le nouveau MI6, le nouveau QG. Exactement, puisque, on le rappelle, dans le dernier, ils ont fusionné le MI5 et le MI6 pour faire un nouveau data center d'antiterrorisme et tout ça, bref. Et finalement, le gars qui était en haut était corrompu. Et du coup, on ne sait pas ce que va devenir ce building. Et puis en plus, c'était très cool. Il y avait plein d'anecdotes de tournage, c'est-à-dire comment ils ont transformé certaines stations en une autre. Parce que, par exemple, on s'est rejoint à la Station. Et en gros, ils devaient la transformer en la Temple Station. Donc, il y avait tout un changement de panneau. De signalétique. Et c'était vraiment cool. Et justement, on a demandé, mais est-ce que, en tant que Londonien, vous qui vivez là, vous arrivez à y croire? Et en fait, il y a ce truc de ce qu'on appelle la suspension de crédibilité. Crédulité. Crédulité, c'est quelqu'un qui est un peu stupide, qui croit tout, tu vois, naïf. Ouais, mais là, du coup, ça se prête bien, ce non, truc. Non, je suis de sûr que c'est. Crédibilité. Je suis sûr que c'est la suspension de crédibilité. Bon, bah. Et en gros, en fait, vu que c'est réaliste, on accepte de mettre le truc de « Attendez, mais c'est pas la station, ça ?» Et on met ça de côté et puis on croit à l'histoire qui est racontée. Et franchement, c'est vraiment cool de voir tous ces petits trucs. On l'a évité de faire les attractions un petit peu Harry Potter, etc. Ouais, ou London Eye, tout ça. Voilà, tous les trucs hein, qui sont vraiment, vraiment ultra connus. On s'est dit « Bon, pourquoi ne pas faire des trucs qui sont aussi... connus mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, et au final quand même en ayant fait ce James Bond Tower, on a tout vu. Big Ben, bon, même si elle était en construction. Ouais. On a vu pas en construction, en rénovation. En rénovation, ouais. Ouais. Ils ont cassé, ils en font une nouvelle. Et ouais, ils ont dit moche, ils l'ont fait péter. Non mais voilà. Et par contre, on a eu plein d'anecdotes et notamment je sais plus comment s'appelle l'arche en face de Buckingham Palace, mais en gros ils vont faire des appartements luxueux là-dedans et genre l'appartement va coûter 80 millions de livres. Incroyable. Ça va. Donc ça fait plaisir. Quand on est Gucci comme moi, c'est vrai que on peut te le permettre. Bon, je te propose que ça dure encore une petite dizaine de minutes, grand max. Oui. Donc de quoi on peut parler encore? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, il y a beaucoup de street art, très intéressant. Il y a énormément, notamment sur tout ce qui est les stores, les magasins et tout, les devantures des bars et tout. C'est toujours très brandé, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent vraiment. En fait, les rues sont un petit peu tout le temps pareilles, ouais. Mais l'intérieur est vraiment unique. C'est toujours exactement. Ultra design, c'est travaillé, ce que j'allais dire. Et tout. C'est très intéressant. Ouais. Et ouais. Tu peux vraiment passer d'un bar extrêmement hipster, tu vois, où tout est blanc, tout est clean, style Apple, à un truc beaucoup plus rustique, ouais, et industriel. Ouais. C'est vraiment très cool. Très ouais, cool. Et tous les styles sont beaux. En plus, il y a souvent des bons trucs à manger dans ce genre de bar. Exact. Donc ça fait plaisir. On peut vous en conseiller un qui est le One Mile End, qui est à la Liverpool Street, je crois, station. Qui est non, il est à la Whitechapel station. Ok. Ouais. Près de là. Ouais, et c'est vraiment très cool. Ils ont un plat. Bah, on a oublié de parler du plat le plus stylé qu'on a mangé. Ouais. Le plateau de viande. Le meatboard. Où il y avait plein de viandes différentes. Il y avait des ribs de porc sauce barbecue. Il y avait des ailes de poulet. Il y avait du bœuf. Il y avait des trucs. Ouais, et surtout. C'est servi avec deux types de frites différentes. Ouais, des frites de patates douces et des frites. Et les frites de patates douces étaient incroyablement bonnes. Des petites olives préparées et tout. Exactement. C'est savoureux au possible. Voilà, ouais. Et des sauces à n'en plus finir. Bien sûr. Et j'avoue que même moi, en tant que personne qui essaye de réduire drastiquement sa consommation de viande pour potentiellement repasser le cap du végétarisme, c'est vraiment une expérience à tester parce que les saveurs, elles sont vraiment très spéciales. En fait, il y a tout un travail de la viande et tout. Et c'est comme le bœuf de Kobe, tu vois. Mm. Ça a vraiment un goût très spécial, une texture spéciale et tout. Bon, c'est encore un autre prix, mais voilà. D'ailleurs, shout out le Japon, hein, on n'en parle pas assez. Non, d'ailleurs, tu veux peut-être parler de Spider-Man avec, allez, Spider-Man, incroyable, meilleur film. Bien sûr. Quoi, voilà. Le Japon, du coup incroyable, meilleur pays. Oh, bah voilà. On a fait nos... No shout-out. Bref, et c'était très cool. De quoi on peut parler? En plus, ils servaient... on avait de la chance parce qu'on ne savait pas du tout quelle bière prendre. On n'en connaissait aucune. Ouais, de ce qui était et proposé. Et ils servaient des 33 centilitres, je crois. Ils avaient de la Pils. De la Pils. Ah ouais? Ah ok, j'avais pas vu. Mais ils servaient des... Ils servaient des verres de 33 centilitres. Genre 3 verres. Voilà, et on pouvait choisir... Quel verre, quelle bière et tout. Donc on a eu, en gros, on a eu 6 bières différentes. Exactement. On s'est amusé à tester et tout. Et c'était pas mal. Il y en avait une qui ressemblait à du jus de fruits. C'était trop bizarre. Ouais, que ce soit dans la texture ou dans le goût, c'était chelou. C'était. Après peut-être qu'ils nous ont trompés. Ils ont juste mis du jus d'orange en fait. Étant donné que j'étais bourré et que je t'ai vomi dessus, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'était vraiment cool. On peut peut-être parler du Airbnb vite fait. Qui était... Ouais, pour vous dire de faire attention quand même. Parce que là, encore une fois, on est tombé dans une share house. Quand on est allé au Japon, je m'attendais à ce que ce soit une share house. Donc une maison partagée, une maison commune. Enfin, avec des espaces communs, mais des chambres privées. Là, je m'y attendais pas. Ah ouais, je crois qu'on avait vu que c'était une share house. Je me souviens plus. Ou alors, j'ai pas de check parce que je me suis dit, bah non, ça va être un appart, voilà. Et en gros, bon, alors il était bien situé, on était à côté d'une bonne station et tout, mais ouais. Par contre, l'appartement nul, vraiment, genre. Déjà, on arrive, sale. Les draps, il y avait des cheveux encore. Et des poils de personnes, tub. Et des poils de tub, magnifiques. Des autres personnes d'avant, c'était poussiéreux. La chambre est toute petite, il y a juste un lit dedans. Ouais. Il y avait une salle de bain et une toilette pour toutes les personnes qui étaient là, donc 5 chambres qui étaient occupées par à chaque fois 2 personnes minimum, donc pour une bonne dizaine de personnes ça fait très peu. Surtout que bon, tout le monde n'est pas forcément respectueux, genre on a eu franchement les 3 premiers jours c'est bien passé, mais les 2 derniers jours on a eu des groupes d'espagnols qui étaient extrêmement bruyants, genre jusqu'à 1h du mat, je crois. Ouais, genre quand tu rentres, franchement ça me dérange pas de faire la fête et tout, c'est stylé. Ouais. Mais quand t'as toute une journée de où tu marches en fait et qu'à la fin t'es crevé de ouf et que t'entends des chansons espagnoles et des Despacito jusqu'à non plus pouvoir, bah, t'as envie de te flinguer en fait. Et ouais, non, le pire, je trouve que c'était les serviettes qu'on a eues n'étaient même pas propres. Je sais pas si c'est des tâches qui sont pas parties au lavage. Dans ce cas-là, mais... t'en achètes d'autres, je suis désolé, mais quand tu loues un appartement, tu fous pas des serviettes avec des tâches dessus, quoi. C'est vrai. Ouais. Bref, perso, comme on était très rarement au Airbnb, j'ai laissé couler, je me suis dit, bon, de toute façon, on va être là juste pour dormir. Donc, Et le lit, miskin, putain, il faisait si mal. Ouais. Et bon, c'était. Bref, voilà. Mais Londres. C'était très cool quand même d'habiter dans ce genre d'appartement. Et comme dit, c'était vraiment bien situé. On était à 5 minutes d'une station et d'une autre, donc on pouvait aller à peu près n'importe où assez facilement. C'était cool. Donc heureusement, en tant que touriste, c'est vraiment un bon appart. Mais en tant que personne qui y vit, c'est terrible. Vraiment nul. Exact. Mais bref, ça fait partie aussi de l'expérience, ce genre de choses. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On en a encore trop dit. Non, en vrai, non, ça va. C'est un épisode plutôt court. Très court. Faut dire, on est dans un aéroport aussi. On est dans un aéroport. Non, mais de quoi on peut... Je pense qu'on peut encore peut-être parler d'un truc. De quoi pourrait-on parler? T'es sûr qu'on a parlé de tout? On a parlé du manger. Ouais. Du dodo. Du London. Experience Bridge, culture. Là. De futur. Future. On a parlé Versace, Gucci. On n'est pas allé dans beaucoup de parcs. Par contre, le quartier ultra riche qu'on a vu où tout était Gucci. Ah ouais. Mercedes. On a fait le Montmartre de Londres. Je sais plus où c'était exactement, ouais. Mais c'était ultra. C'était déjà c'est vraiment près du Royal Garden. Là où on était donc à Whitechapel Station. C'est vraiment très crade, genre il y a plein de détritus par terre. C'est un peu comme les Halles à Paris, tu vois, c'est vraiment dégueu. Tu vois. Ouais, enfin, tu vois, ce que je tiens. Arrête de faire la victime aussi, on me pète les couilles là. Et par contre, là où on est allé, c'était ultra clean. Genre, il n'y avait pas un papier par terre, rien, toutes les maisons. On est passé dans une rue où, sans mentir, l'entrée de l'appartement, c'est deux escaliers, des colonnes. Du coup, une entrée immense déjà, donc hauteur plafond, je sais pas, au moins comme ça, donc ça doit faire 3 ou 4 mètres l'appart. Et il y avait 3 étages. Et on rappelle le centre de Londres à côté du Royal Garden. Ouais, non, mais alors là, j'imagine même pas le prix d'un appartement comme ça. Mais bon, ça contraste vraiment avec notre Airbnb qui était pour le coup. Claqué au sol. Peut-être une poubelle en fait. J'ai pas fait gaffe. Franchement, ouais. Il y a moyen. Oh, si, moi j'ai encore un truc à dire vite fait, une petite anecdote. Bah, allez, en arrivant au Airbnb, yes. On cherchait le code parce qu'il y avait des cadenas à côté et tout, on cherchait notre clé. Et il y a un gars qui est venu sonner à la porte de l'immeuble chez quelqu'un et il était en pantoufle, peignoir et tout. Donc il sort de chez lui tranquille. Il est sorti juste pour ça. Hein. Exactement. Il dit hi guys et tout, voilà. Et il sonne et il fait hey, can you. Stop banging, please. Donc, très poli, tu vois. Donc. Ouais. Donc, littéralement, est-ce que vous pouvez arrêter de baiser ? Alors, ça, ouais, en vrai, banging, ça veut aussi dire, faire la fête, tu vois. Mais, enfin, non, ça veut plus dire baiser d'ailleurs. J'ai un doute. Bah, moi, en tout cas, t'étais sûr de toi quand tu m'as dit que c'était banging. En plus, c'était une meuf qui a fait « Oh, sorry ouais, » et ouais, tout. Ouais, elle avait l'air gênée. Bref. Et à part ça, oui, moi, j'ai quand même envie de parler un petit peu du côté visuel de Londres. Très cool. Tout est en briques. En fait, on a l'impression que les bâtiments ne sont pas finis. Enfin, qu'ils n'ont pas mis couche de peinture, tu vois. Et on retrouve ça aussi dans le nord, à Paris ou à Toulouse. À Lille. À Toulouse, pour ceux qui ont pu aller, qui est dans le sud, du coup. Lille dans le nord et Toulouse dans le sud. Apprenez votre géographie, c'est moi qui lis ça, quoi. Et ouais, c'était vraiment cool, il y a beaucoup d'architectures différentes, beaucoup de styles. On voit vraiment qu'il y a tout un esprit très varié et tout, c'est très cool. Exact. Même visuellement, énormément de street art très différent, autant du street art un peu vandal, donc juste des gamins qui vont taguer « fuck the system », que des trucs ultra travaillés, léchés et tout, donc magnifique. C'est vraiment très cool. Et puis voilà. Même le bâtiment du MI6 était tagué. Donc ouais. les le bâtiment le plus protégé de Londres avait été tagué. Tagué, ouais. Et bref, voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On s'est pris un petit cigare aussi. On a une tradition de temps en temps de fumer un petit cigare et c'était vraiment cool. Voilà. Je me souviens plus de la marque. Est-ce que tu te souviens du magasin dans lequel on était ? Non. Si c'était quelque chose Divinos. J'ai peut-être, si tu veux que je le cherche, je l'ai vite fait. Cubayana Divinos, quelque chose comme ça. Et c'était pas mal, le gars nous a bien conseillé, parce qu'on est des amateurs de cigares. C'était English Market Selection. Voilà. Je pense, peut-être, ouais. The stamp of quality for Havana cigar in the UK. Donc ouais, c'était plutôt cool, le gars nous a bien conseillé, on est des néophytes là-dedans. Et c'était vraiment sympa, on a passé un bon petit moment, une petite saveur vanille, très cool. Bon, moi, je ne l'ai pas du tout apprécié, ce cigare. C'est vrai ? Ouais. J'ai eu vraiment du mal. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais déjà testé un cigare une autre fois et ça s'était très bien passé, mais là, j'arrivais pas comme pour la nourriture, à avoir les sensations. Chacun ouais, notre truc. Exactement. Enfin bref, allez, on va se laisser sur ça. On a un avion à prendre. Pas du tout, il reste encore 8 heures. Oulala, 8 oulala. Heures, là, aïe, aïe, aïe, aïe. On a qu'à enregistrer un autre podcast en fait. Ah ouais, on en fait un. Salut, c'est Renaud. On est dans un aéroport, le même en fait. Bah non, c'est vrai. On fait 10 podcasts comme ça. Bref, on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Goodbye.